c'est bon, ça a l'air de marcher. C'est tellement aléatoire ce ordinateur. J'ai piqué un texte de Michel Berger. Ah, la mélodie du chant ? Je croyais que tu parlais. Ouais, bon, on va essayer autre chose. un jour m'a fait descendre. Nous t'avons perdu.